Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, et oui, parce que c'est important, je débute toujours la deuxième heure en remerciant des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CGRO 1077 1079, Casbad Verse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario, ainsi que Radio Web Production JB, www.prodjb.com. Allez voir ça. Merci bien de diffuser l'émission et bien entendu, commentaires, suggestions ou même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Eh bien, vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà. La pandémie, hein, cette histoire-là de la COVID-19, eh bien, on est encore malheureusement pris avec. Faut faire avec encore. Faut prendre soin de soi, prendre soin des proches aussi, tout ça. Mais on s'en est-tu, hein, des spectacles live où qu'on peut être proche de l'artiste et tout ça. Ça va venir, mais pour l'instant, pour vous donner un peu de positivisme, on va y aller avec la chanson de M. Monette, « Ça va bien aller ». Très bonne chanson, vous allez voir. Assez intéressant, merci. Par la suite, je vous envoie une chanson de Andy Saint-Louis, cet pianiste, auteur, compositrice, interprète de pop cabaret. Assez intéressant ce qu'elle fait. On va entendre la pièce « Rentrer chez moi ». Très bonne pièce. Et on va terminer ça avec Geneviève et Alain, « Des nouvelles de toi ». Mais pour l'instant, voici Monette. Ça va bien aller. Les portes et les fenêtres sont placardées, fermées. Y a plus d'esprit en ville, les rues se sont vidées. Le rouge-gorge a fait son nid. Je l'entends moi un arc-en-ciel à faire briller de la beauté. Ma tête a besoin de légèreté. Il y a trop de vie qui chamboule, qui tiennent un fil si fragile. Est excité, il veut jouer. Je reste au bout de la chaîne, je veux pas me faire lécher. Ma voisine qui crie fort le fait rentrer. On a peur de toucher, de contaminer. Le chat de ma blonde se promène d'un air tanné. Je vois dans ses yeux qu'il n'a aucune envie de se coller. Je sens qu'il a besoin de son espace sacré. Nos vies qui déboussolent, qui tiennent un fil si fragile. Ça va bien aller. Une autre chose. J'ai passé la nuit devant du papier blanc à fixer le mur sur un lit trop grand. J'ai marché dans une ruelle encore endormie et me suis égarée dans un nuage gris. Étrangère sous mon propre toit, ma ville ne me reconnaît pas. Je voudrais rentrer chez moi, où le sol reconnaît mes pas. Rentrer chez moi et me perdre sous les draps. Chez moi, là où il ne m'arrivera jamais rien, où les jours sont remplis de promesses, où tout se règle à la marelle, où la maison est une forteresse de glace, de neige, de rire et de rêve. Étrangère sous mon propre toit, ma ville ne me pendant trop longtemps. La nuit portera conseil. Et demain tu ouvriras l'œil en regardant devant. On nous trouvait sur ta boussole, le nord que t'as perdu dans tes déboires. Il faut que tu te consoles. Le temps fait pas, ce n'est que moi. C'est moi qui s'en a la porte. Je prends des nouvelles de toi. Je voudrais qu'on t'oublie pas. Je prends des nouvelles de toi. Franco-ontarien Geneviève et Alain avec une excellente chanson tirée de leur dernier album De la rivière à la mer. C'est la pièce des nouvelles de toi. Très bonne pièce, très belle chanson. Vraiment magnifique. Et si vous allez sur Facebook et vous allez faire Geneviève et Alain, vous allez tomber sur leur page et sur leur page à eux. Ils ont une version assez savoureuse, oui, ça, c'est le mot que je peux dire, une version assez savoureuse de Moon Dance de Van Morrison, vraiment magnifique. Donc, c'est un duo que j'adore beaucoup, des gens très sympathiques, vraiment, là, vraiment très amical comme couple. Toujours un plaisir de les rencontrer, de jaser avec eux. Ils prennent le temps, lorsqu'ils font après leur spectacle, de jaser avec les gens, et ça, c'est merveilleux. Donc, Geneviève et Alain, qui nous ont amenés à la musique instrumentale, oui, oui. J'ai partagé quelques, je pense, deux ou trois petits concerts de l'apéro de Christine Tassan et les Imposteurs, bien sûr. Christine Tassan, qui est tout seule chez elle pour ces concerts-là. Mais quand même, c'est un groupe que j'ai découvert avec un certain album qui s'appelait « Un bon matin ». Et sur cet album-là, il y avait de très bonnes pièces. C'est de la musique manouche. J'ai découvert ça à l'époque, bon, là, quelques années. Au moins, quasiment 10-11 ans que je connais. Et sur cet album-là, il y avait une très belle chanson instrumentale, « En tombant gentiment », qui est ma favorite de Christine Tassan et des Imposteurs. Donc, je vais vous faire entendre cette pièce-là. Et comme que je dis souvent qu'il faut encourager nos artistes locaux, comme autre pièce instrumentale, ça va être Sanctuary. C'est une pièce de mon bon ami Étienne Beausoleil, qui lui a gradué en performance jazz de McGill. Je pense qu'il est toujours à Montréal, mais de temps en temps, il vient faire un tour en baie georgienne. Donc, on va écouter cette pièce-là, c'est magnifique. Mais pour l'instant, voici Christine Tassan et les Imposteurs.